Marche, écoute. La vision est pleine. C'est de tout entendre. H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Auditeur, auditrice, vous êtes toujours les bienvenus pour cette carte postale sonore pyrénéenne. Comme vous pouvez le constater, vous marchez sur un sol entièrement gelé. C'est une patinoire naturelle, puisque je suis en train de traverser le lac d'Estany de Fonde Vive qui est quasiment entièrement gelé. Reflets bleutés. Bleutés avec une légère teinte de vert émeraude encastré. Dans le cirque de ces hautes montagnes et ponctué par les pins accrochés. Allez, je m'assois. Délicatement, la glace est granuleuse. Encore épaisse. Perles de cristaux translucides. Brillant de mille feux. présent, je suis 200 mètres au-dessus de l'Estanie de Fontvive. Je le surplombe par le GR qui mène au Lanoux. Une sorte de vire à flanc de montagne. Et le vent s'est levé avec son cortège de voiles nuageux qui commence à s'épaissir au-dessus des sommets. Des débris de schiste sur le sentier. Et le vent qui passe, qui frise entre les ramures des genêts. Et il y a pour vous asseyez. Ce bruit croustillant du gispette complètement sec et desséché. La montagne vous caresse. Au fur et à mesure que vous progressez, la montagne semble plus grande, plus élevée, plus inaccessible. C'est le domaine des grands espaces. Quelque chose et d'ailleurs. Le son de la haute montagne. patience. Des millénaires d'années ont façonné le paysage, ont taillé ses vallées, ont brisé les rochers, ont érodé les sommets. Et vous voici, témoins de cette éclosion. Merci. Un manteau neigeux, uniforme. Le vent est tombé. Au fond, le creux de la vallée de l'Estanie de fond de vive. Et face à moi, j'aperçois le barrage du Lanaux. Toutefois, le chemin semble assez difficile. En dévers, il traverse des couloirs d'avalanche. Alors je crois que le creux de ces montagnes garder leur secret. au soleil. Assis. Avec cette neige de printemps. Lourde. Constituée de gros grains. On poursuit autour de 2000 mètres d'altitude, une petite pente raide. Hors sentier, plutôt musical. Une pente d'éboulis. Bien en contrebas du cirque de l'étang de la Nox. L'univers minéral côtoie la forêt en contrebas. Toujours cette brise annonciatrice d'un changement de météo. Caillou. C'est l'état organique de la montagne. au bord du lac. Peut-être percevez-vous comme un son de bulles de champagne. Quelque chose qui pétille. C'est tout simplement la fonte de la glace. Un moment intime, mystérieux, silencieux, presque silencieux. Dernier pas dans la neige. La vallée s'ouvre sur le village de Portée. L'eau qui ruisselle de partout. Eh bien, annonciateur de ce redout. Vos oreilles tapent aux portes du printemps. Le soleil baisse dans la clameur du torrent. musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.